Nous continuons cette petite épître de trois chapitres, mais qui en dit long. On a vu ensemble la semaine dernière que attendez un peu. J'ai pas la bonne version. Non, le bon sermon du tout. J'ai juste pas cliqué sur le bon sermon. J'ai cliqué sur celui de dimanche. En passant, c'était bon, je pense. Sur la prédestination, je trouvais ça très intéressant. Puis j'ai trouvé le timing de Dieu aussi avec des gens. Des gens que ça aurait pu. Je trouvais que c'était bon pour eux autres d'entendre ça avec nous. Non. Je trouvais ça intéressant. Les élus. Oui, c'est assez intéressant à voir. C'est là-dessus que je lisais l'article du monsieur. Okay. L'élection, là, la prédestination. Puis. Pendant que je cherche là, mon chose, on va continuer à jaser. Cet homme-là est un calviniste, je ne reprends pas tous les mots de théologie, mais il est un calviniste jusqu'au fond, ce côté-là. Puis il dit que les Arméniens, l'arménisme, là on pourrait mettre les catholiques à ce bout-là, complètement du pendulum. Et puis là, tous ceux qui ne sont pas calvinistes, qui sont arméniens, de doctrine, il rejette comme étant hérétique, comme étant des gens qui... C'est quoi Arminien de doctrine? Ça veut-tu dire... L'Arminien de dos, qui va aller jusqu'au bout du raisonnement, va croire la perte du salut. OK, mais c'est toujours sauvé par grâce? Non, les catholiques ne sont pas sauvés par grâce. Mais c'est ça qui fait qu'ils ne sont pas sauvés. Oui, mais ils sont arméniens. Dans le sens qu'ils autres, ils peuvent devenir comme... mourir en état de grâce pour aller au ciel, mais non, pas mourir en état de grâce pour aller en enfer. Donc, il peut pendant un temps être comme en état de grâce, puis aller au ciel, s'il meurt, mais plus il est en état de grâce, et s'il meurt dans cet état-là, de ton péché mortel, aller en enfer. Comme vous avez sur le mouvement pentecôtiste, dans le mouvement pentecôtiste, il y a la perte du salut. Donc, les pentecôtistes, en général, sont arméniens, okay, de doctrine. Donc, ils peuvent être sauvés, comme plus être sauvés. Et les baptistes ne croient pas ça. Donc, mais ils ne se rendent pas vers le gars. Ils sont plus vers cet homme-là, mais ils ne se rendent pas là. Dans le jargon théologique, on appelle ça calviniste 5 points. Les baptistes sont généralement 3 points, 4 points. Lui, il est à 5 points. Fait que tous ceux qui ne se rendaient pas à 5 avec lui, il y a de la misère à les supporter. Mais lui, il est quoi? Hein? Lui, il est à calviniste 5 points, le monsieur qui a écrit son article. Okay. Mais c'est pas mal d'être calviniste 5 points. Je suis un calviniste 5 points personnellement, moi. Mais c'est pas besoin de rejeter tout le monde qui n'est pas comme moi. Si on croit à l'Évangile, au salut par la grâce en Jésus-Christ. Alors, il faut faire attention de ne pas pousser à l'extrême. OK. Donc, on a vu que on va prier. Avant de commencer. Notre bon Père du ciel, ta parole est une lumière sur notre sentier. Comme cet homme que je disais hier, ce n'était pas toujours écrit dans la Bible ce qu'il disait. Mais, Seigneur, nous voulons que ta parole soit notre guide. Et la parole ne parle pas de calviniste ou ne parle pas d'arménien, mais elle parle de chrétien qui cause l'écriture. Donc, nous voulons être conformes. Nous voulons être conformes à la parole de Dieu. Pas juste dans notre croyance, mais aussi dans notre vie. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. Donc, Seigneur, bénis ce temps que nous avons ensemble et qu'on puisse, Seigneur, se fortifier les uns les autres et par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La raison de l'épître, on a vu ensemble que c'était des faux docteurs. Il y avait des faux docteurs dans l'assemblée qui, on a vu, détournaient des familles entières en disant des choses qui ne devaient pas être dites, qu'il fallait fermer la bouche de ces hommes-là parce qu'ils parlaient, ils professaient connaître Dieu, mais ils le reniaient par leurs œuvres. Ils étaient abominables, incapables d'aucune bonne œuvre. Donc, Paul dit à titre, je t'ai laissé là-bas afin que tu établisses des anciens ou des pasteurs pour qu'ils fassent face à ça, pour qu'ils soient capables de contrecarrer ces hommes-là. Parce qu'on se souvient, il faut se mettre dans le contexte, les chrétiens n'ont pas la Bible dans leurs mains, donc automatiquement, ils doivent se fier à quelqu'un qui connaissait Jésus. Donc, Jésus, les apôtres. Donc, plus tu étais proche de Jésus, plus c'était sécuritaire ton affaire. Okay? Mais... aujourd'hui, les chrétiens peuvent prendre la Bible et aller voir dans la Bible qu'est-ce que les gens disent, mais dans ce temps-là, ce n'était pas le cas. Et on a vu que ça, c'était la raison, et on a vu que le thème, c'était les bonnes œuvres. Toute l'épître tourne vers ce sujet-là. On a vu qu'on devait avoir une foi qui était selon la piété. Okay, on a vu ça ensemble. On devait avoir une foi qui était selon la... les anciens devaient être des gens qui avaient une foi qui était selon la piété aussi. Donc, c'était toujours la même, dans la même direction. Qu'on doit avoir une vie qui est en accord avec ce qu'on prêche. D'abord, il faut faire attention d'avoir ce qu'on prêche et la vérité. Hein? Ensuite, ça, ce qu'on prêche, notre vie doit être conforme à ça. C'est pour ça que Paul a commencé en disant à Tite, « Tu es mon enfant légitime et nous avons une foi commune. Mmh. » Donc, ta foi, c'est ma foi. Et ce que tu vas dire, c'est comme si c'est moi qui le dirais. Donc, et moi, je l'ai reçu directement du Seigneur Jésus. Donc, lui, il n'est pas passé par les apôtres pour l'avoir. Jésus lui a dit, lui est devenu l'apôtre des païens. Et il l'a dit à Tite, il l'a dit à Timothée, et qu'ils l'ont dit à d'autres. Donc, ici, c'est important qu'il dise ça au début. Tu as une foi commune avec moi pour que ce que lui prêchait, c'était vraiment ce que Paul disait. Parce que dans la tête de bien des gens, Paul était un peu plus haut dans l'autorité que Tite. Puis en plus, on va voir que, je ne sais pas si on va le voir avec lui, parce que c'était surtout avec Timothée, Tite était un jeune homme trentaine peut-être, et jeune homme, c'était avait moins d'autorité que les vieux, les gens âgés. C'était pas juste par culture comme ça. Si quelqu'un était âgé, on a tendance à croire plus que ce qu'il disait que c'était jeune. C'est un peu différent peut-être aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était quelque chose de social, quelque chose de culturel. C'est pour ça que à Tite et à Timothée, il va dire, fais attention qu'il ne méprise pas ta jeunesse, etc. Donc, c'était vraiment, il y avait des difficultés, Timothée et Tite, parce qu'il était jeune dans les Églises. Donc, on a commencé à voir la semaine passée, au chapitre 2, verset 1, si vous regardez là, l'apôtre Paul dit à Tite, pour toi, Tite, dis ou enseigne les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et la sainte doctrine, c'est la doctrine de Paul, qui est la doctrine de Jésus-Christ qui a enseigné. Donc, il dit, enseigne les choses ou les actions, les œuvres qui sont conformes à la sainte doctrine. C'est, il ne parle pas d'enseigner la sainte doctrine, mais des choses qui sont conformes à cette sainte doctrine. Donc, je ne peux pas avoir un comportement différent de ce que je prêche, de ce que je dis, de ce que j'enseigne. C'est ceux qui font ça, on dit, c'est des grands parleurs et des petits faiseurs. Nous, les chrétiens, on ne voudra pas être juste des grands parleurs et des petits faiseurs, mais on voudra être des bons parleurs et des bons faiseurs. C'est des gens qui vont être conformes avec ce qui est enseigné. Et on a vu ensemble qu'il avait commencé par... On a vu que si notre vie n'est pas conforme, ça l'amène un déshonneur à la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait un homme, l'homme le plus... humble de la face de la terre. Ça vous c'était qui? Jésus. Non, avant Jésus, dans l'Ancien Testament. C'était Moïse. Moïse est appelé l'homme le plus humble de la face de la terre. Comme Salomon est appelé le plus sage, Moïse est appelé le plus humble. Dieu dit, je n'ai jamais parlé à qui que ce soit face à face comme j'ai parlé avec Moïse, et je ne parlerai jamais avec d'autres comme j'ai parlé avec Moïse non plus. Moïse a vu Dieu face à face. Donc il dit, jamais je vais faire ça avec quelqu'un d'autre. Et Moïse était un homme très humble, très, très effacé. Mais en même temps, pas effacé devant les hommes, parce que c'est un autoritaire, il dirigeait un peuple de millions de personnes. Mais il y en a qui disent qu'il y avait un défaut d'élocution. Oui, il y en a qui disent qu'il y avait un défaut de langue, il bégayait. Ouais, c'est ça. Il y en a qui disent qu'il bégayait. C'est possible qu'il s'est mis à bégayer. Souvent, c'est à son frère qui parlait pour lui. Aaron, c'est ça qu'il dit, j'ai de la misère à parler, donc Dieu, tu vas donner à Aaron pour parler à ta place. On ne sait pas s'il est né avec ce défaut ou s'il l'a acquis à travers les années. On ne sait pas. Mais ce n'est pas tout le monde qui est d'accord à 100% avec ça. Est-ce que c'est ce que Moïse avait de la misère à jaser? Il n'était pas un grand parleur, tu sais. Un bon orateur, ou peut-être timide de personnalité. Donc, on ne sait pas. Moi, quand j'étais sauvé, je sentais que Dieu me dirigeait vers l'enseignement. J'ai dit, appelle ma femme, Seigneur. Diable, fais que ma femme a plus... Parce que, elle a parlé. Moi, je ne parlais pas. Moi, elle est convertie, je ne parlais pas. Personne. Une personne. C'était un homme qui j'osais pas. J'avais rien à dire. Donc, j'ai commencé à parler quand j'ai devenu chrétien. Parce que j'avais quelque chose à dire. Moi, j'avais quelque chose à dire, il me semblait. qui était intelligent, puis qui avait du poids. Mais avant, je ne parlais presque pas. J'étais un homme venant de bois, ça va, je suis affaire, je ne parlais pas. Donc, Dieu peut faire des choses, des fois. Moi, quand j'étais jeune, avant de devenir chrétien, à l'école, j'étais tellement pas capable de parler en public. Si on me demandait à la classe de parler, de réciter quelque chose, je devenais malade. Physiquement, je devenais malade et je quittais l'école. Je suis dans la classe, je m'en allais. Je n'étais pas capable. C'était impossible pour moi. Quand j'ai fait, c'était ton histoire. Donc, il ne faut pas croire que François a de la facilité naturelle de faire ça. Non, vous ne connaissez pas, c'est peut-être ça. Ma femme pourra vous dire ça. C'est elle qui est venue me chercher, je ne cherche jamais à la chercher. Donc, juste d'un côté relationnel, ça ne s'est pas venu me parler, je n'ai jamais été. Donc, Dieu savait tout ça. Et Moïse, malgré qu'il était un homme le plus humble, un homme capable, un homme qui avait un grand prestige, puisqu'il était le chef d'un peuple de millions de personnes, il a déshonoré Dieu dans son comportement, une fois. Vous vous souvenez que Dieu avait dit à David, parle au rocher, le rocher qui donnait de l'eau au peuple, parle au rocher. Et il n'a pas parlé au rocher, il a fessé sur le rocher. Le premier coup, il avait dit, frappe le rocher. Puis il a frappé le rocher, puis l'eau a coulé. Le deuxième coup, il dit, vous parlerez en leur présence au rocher, vous parlerez, pas frappé, mais vous parlerez, et il donnera ses eaux. Il fera sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Il était choqué. C'est parce que c'était la deuxième fois qu'il revenait avec cette histoire-là. Est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa deux fois, même pas qu'une fois, deux fois de rocher, mais en colère contre le peuple. Il sortit de l'eau quand même, parce que Dieu voulait rencontrer les besoins d'Israël. Et puis Moïse leva la main et frappa, il sortit de l'eau, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne verrez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » C'était fini pour eux autres à ce moment-là. Vous ne rentrez pas à terre promise. C'est quoi la référence, juste Nombre 20, okay, verset 8 à 13. Et dans la même, ailleurs, il va dire, « Tu m'as déshonoré, tu ne m'as pas sanctifié. Tu ne m'as pas sanctifié. » Ça aurait été plus honorant pour Dieu de faire ce que tu avais demandé. Et c'est une façon de faire. Il n'avait pas cru. Et un autre grand homme, il n'avait pas cru. Mais je crois que c'est dans cette colère-là qui a comme perdu les pédales que ça l'a mis à faire le contraire de ce que Dieu a dit. Je ne sais pas s'il a juste douté que... Il me semble que la première fois, c'est pas son coup de bâton qu'il doit avoir cru, qu'il pensait que c'est ça qu'il allait faire sortir de l'eau. C'est pas évident. Mais une chose est certaine, Dieu dit ici, parce que vous n'avez pas cru en moi, en face de tout le peuple. Un autre grand homme, David. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel, pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » La même chose qu'on a parlé à fait que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, on a vu ça la semaine passée. Ne soit pas déshonoré. Des fois, notre comportement peut emmener du déshonneur à la parole de Dieu. OK? Et donc, et David a subi les conséquences de cette action-là parce que son fils de Bathsheba est mort à la naissance à ce moment-là. Tu dis que c'est des manques de foi, ça, des manques de foi. Tous les péchés, c'est des manques de foi. Tous nos péchés, c'est un manque de foi. Dieu dit tourne à droite, nous on tourne à gauche. Dieu dit ton bonheur est par là, François, je tourne à gauche, je pense que mon bonheur est par là. C'est un manque de foi. Le péché, c'est toujours un manque de foi. Ne mange pas de l'arbre, tu mourras. Pense pas, tu vas mourir, mon chum. Le péché, c'est de l'incrédulité. C'est le contraire de la crédulité. Le péché, c'est ça. Parce que Moïse, c'est par une action, et puis Dieu, il dit, t'as pas cru. Mais c'est parce que c'est son manque de foi qui a mis à faire une action. Ça, donc, sa foi n'était pas conforme. Donc, il faut toujours que la foi et les actions soient conformes. C'est ça que Dieu désire de nous. C'est ça que Dieu désire de David. Et des fois, nos fois ne sont pas conformes. Et on va subir des conséquences. On subit toujours des conséquences de nos péchés. Hein? mange-toi le pizza, tu as mal au ventre, mon chum. Tu sais, c'est, moi, je dis tout le temps ça de même. Et si, si je fais des choses qui ne sont pas selon la parole de Dieu, je vais souffrir pour ça. Tu sais, c'est normal. Mais Dieu, dans sa grâce, a enlevé la conséquence éternelle en Jésus-Christ. Okay? Mais il y a des conséquences terrestres qui sont là aussi. Si je vais en prison, et si je vole, ben, si je vole en prison, pareil, même si je suis un chrétien. Hein? Si je tue quelqu'un en tant que chrétien, je devrais aller à la prison aussi. Hein? Pas parce que je suis chrétien que Dieu parle. Je te demande pardon, Seigneur, je te pardonne, François, mais tu vas à la prison pareil. C'est pas, ça n'enlève pas les conséquences humaines, temporelles, immédiates. Okay? Donc, Paul dit, il faut que nos vies soient conformes. Au verset 2, si vous voulez regarder, on va les lire, on va se rendre jusqu'au verset, jusqu'où on est rendu. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans l'amour, dans la patience. On a vu ça hier. Donc, pas hier, mais la semaine passée. Il dit ça, c'est aux vieillards qu'on dit ça. Hier, on a discuté à Rondel, parce qu'on a fait ça hier à Rondel, ce petit bout-là, la semaine passée, je suis allé là-bas. Et on a, est-ce que les gens âgés ont tendance à être moins patients? On a parlé de ça. Est-ce que c'est une règle générale? Puis moi, j'ai trouvé qu'en vieillissant, on perd une certaine patience. On est moins tolérant. Oh. C'est pour ça qu'on a des bris de génération, des difficultés de génération entre nous. On est moins patient. On est moins tolérant. On voudrait que les jeunes fassent comme nous. On n'a jamais fait ça comme ça, nous autres. Puis qu'on n'a pas la patience. C'est pas ça qu'on veut faire moins de compromis? Oui, c'est dans ce sens-là. Okay. On est moins tendance à être patient. Puis, souvent, la patience... Je vais tendance à être plus tolérant, plus patient. Je vais faire un compromis parce que c'est pas anti-biblique, mais on a parlé de ça. Puis c'était discutable. Comme on a parlé que c'était dit que les femmes âgées, doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à cet été, d'honnête ni médisante. Et ça, quelques femmes ont moins aimé ça hier, qui disent ça aux femmes, mais non pas aux hommes, de ne pas être médisants. Oui, les hommes aussi sont médisants. Ben oui. Mais le texte s'il dit aux femmes âgées. Donc, puis comme on avait, il semblait que les vieillards avaient un problème avec la boisson, qui devait être sobre, les femmes âgées aussi ont un problème, c'est bon, ni à donner aux excès du vin. Donc, il semblait qu'il y avait un petit peu de problème là, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Donc, elles doivent donner des bonnes instructions aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être tenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Comme tout à l'heure, David a fait blasphémer. Il dit, si nous, on a une vie qui est contradictoire avec ce qu'on dit, ça va faire les inconvertis vont blasphémer la parole de Dieu. Parce que là, tu dis, c'est des chrétiens, ça, puis regarde ce qu'ils font. Donc, il faut faire attention, si on entend parler, si David a demandé pardon, quand Dieu lui a dit, il a dit à Nathan, que Dieu me pardonne, Dieu te pardonne. Des conséquences. Mais si on sait que les gens le savent, hein, David, on ne sait pas quelle réaction David a eu envers tous ceux qui l'ont su. Est-ce que faites de quoi avec ça? Je ne sais pas. Mais si nous, on sait que les gens savent qu'on a fait de quoi, c'est à nous à réparer. C'est à nous à faire de quoi pour rehausser la parole de Dieu. Rehausser la parole de Dieu. Je me souviens quand je me suis converti, quand j'étais allé visiter plusieurs personnes que j'avais fait des choses avec malhonnête, financièrement malhonnête. Et je suis allé réparer ça, des gens que je connaissais. Donc, je suis allé, que je pouvais faire. Des fois, on ne peut pas le faire. Des fois, on peut le faire. Et donc, je me disais, je vais aller les voir, je vais leur remettre leur argent, je vais leur expliquer pourquoi. Parce que je ne voudrais pas arriver devant eux autres pour leur parler de Dieu. Puis qu'ils me disent, toi, mon espèce de cœur, hein, tu m'as volé. Donc, tu ne me parleras pas de Dieu. Donc, je me suis dit, je vais aller les voir, je vais régler ça le mieux que je peux, si je peux. Donc, c'est d'enlever un argument pour rien, ça, quand on le peut. Ben, des fois, il y a des choses qu'on fait qu'on ne peut pas réparer. C'est trop loin, les gens ne sont plus là. Les gens sont là. Je me dis, j'aurais pas été en Afrique, là, tu sais, là, mais tant on peut qu'on peut le faire. Pour que, alors disant ça, je suis devenu chrétien, la parole de Dieu me dit d'être honnête. Donc, ça rehausse. Ça donne de l'honneur, okay, à la parole de Dieu. Ça n'enlève pas. Donc, on a vu ensemble que occuper aux soins domestiques, c'était pas en contradiction avec du travail à l'extérieur de la maison, mais c'était sur le mot occuper qui était important. Il ne fallait pas qu'il soit oisive. Et dans Tite et dans Timothée, à toutes les deux des épîtres, il va dire que les femmes ne soient pas oisives et se promènent de maison en maison et fait du blablabla. Okay, donc, il dit, je ne veux pas qu'il fasse ça. Donc, ici, ce n'est pas en opposition à un travail séculier, un travail en dehors de la maison, mais au fait que ces femmes-là devraient être occupées dans la maison au lieu de faire du blablabla. Okay? Donc, c'est un encouragement à s'occuper de leur maison, de leurs enfants, de leur bien-être à tout ce monde-là, au lieu de passer du temps à rien faire. Des règles importantes. Des règles de conduite. C'est ça. C'est des règles de conduite qu'on retrouve un peu partout dans toute la Bible, mais qui ont été comme mis ensemble ici, dans cet épître-là, très, très condensé. Mais on retrouve ça un peu partout, qu'on doit faire ça. Maintenant, on est rendu au verset 6. « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. » Donc, les jeunes gens devraient être modérés. Donc, c'est le même mot que pour les gens âgés. Il y avait le mot modéré aussi pour les gens âgés. Donc, le mot modéré, c'est quand on dit modère, ça veut dire ralenti, va moins vite, moins extrémiste, moins loin, dans ce sens-là. Vous avez d'autres traductions? Sensé. Équilibré. Tu vois, donc, c'est toutes des choses qui ne vont pas dans les extrêmes, ne vont pas dans les excès, à quelque part, dans n'importe quel domaine. C'est des gens modérés. Ça, c'est vous que les jeunes gens ont de la misère avec ça. Les vieux ont de la misère d'être patients, mais les jeunes ont tendance à être moins modérés. Donc, ils veulent faire une nouvelle société, les jeunes. Ils veulent tout changer, tout mettre ça nouveau. Donc, des fois, ils sont moins modérés. Et ils disent, et montre en te montrant toi-même, à tous égards, un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne, une parole saine, irréprochable. Donc, mais vous ici, ce qui m'a surpris, c'est qu'il encourage ce jeune homme-là à être un modèle. Nous, on a tendance à pas penser que les jeunes pourraient être des modèles. On a dit plutôt aux jeunes de regarder les modèles. Mais ici, il dit aux jeunes d'être un modèle. Mm-hmm. Tite était un jeune. Jeune, c'était pas 14 ans, c'était plutôt pour 25-30 ans, probablement. Mais il était jeune. Et il faut qu'il dise qu'il soit un modèle dans l'Église. Un modèle de bonne œuvre. Pas juste un modèle de bon enseignant, mais aussi un modèle de bonne œuvre, en donnant un enseignement pur aussi. Donc, un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur. Donc, il dit qu'il est ton affaire. Fais pas juste un. Sois pas juste un grand prédicateur, mais sois aussi un modèle dans ta vie. Donc, pour gagner de la crédibilité auprès des gens plus âgés. Donc, s'ils voient que tu enseignes bien la doctrine, puis que ta vie est conforme à cette doctrine-là, bien, ils vont avoir plus d'autorité, ils vont avoir plus de crédibilité. Vous vous souvenez, Timothée, quand Paul l'a choisi, il était un homme qui avait un bon témoignage dans deux églises. Donc, Paul ne l'a pas choisi parce qu'il y a des problèmes, il l'a choisi parce qu'il y avait une autorité déjà acquise, même si c'était un jeune homme. Il ne faut pas le voir à 15-16 ans, parfois, comme je dis, mais 25-30 ans peut-être. Il dit, Timothée, tu as quelqu'un, et Tite est un peu comme ça. Donc, il dit, Tite, sois un modèle d'enseignement, puis il va dire à Timothée un peu plus loin, il dit que tu es, comment est-ce qu'il dit ça? Que tes progrès soient visibles à tout le monde, que tes progrès soient... sont manifestes pour que les gens autour de toi, que tu vois que tu grandis dans ta connaissance et dans ta mise en pratique. OK? Donc un enseignement pur, digne, parole saine, irréprochable, c'est toutes des choses qui se ressemblent. Donc, il dit, sois sûr que ce que tu enseignes ce que moi je t'ai dit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas commencer à faire trop. Il ne faut pas avoir peur de dire, ça, c'est moi qui pense ça. C'est pas la Bible qui dit ça. Paul, il va dire ça dans les Corinthiens. Pas moi qui le dis, c'est Seigneur qui le dit. Non, c'est moi qui le dis. Ça veut pas dire qu'il n'était pas inspiré quand il dit ça. Mais il sépare hein, ce qu'il a entendu directement de Dieu, de ses oreilles, que le Seigneur lui a parlé, qu'il a deux fois que ce qu'il lui a écrit sous l'inspiration de Dieu. Mais on sait que la plupart des écrivains ont écrit sans savoir qu'ils étaient sous l'inspiration. Okay, donc, c'est moi qui l'ai écrit ça. Et je crois que ici, il faut faire la même chose. Il faut vraiment être sûr de... Moi, je pense ça, mais je ne suis pas sûr. Il faut être capable de dire, la Bible dit ça, ça, c'est ma compréhension. Là. C'est ma compréhension. Mais si je lis ce qui est marqué dans le verset, ça, c'est ça que la Bible dit. Maintenant, moi, je l'interprète Mon interprétation n'est peut-être pas toujours 100% juste. Pas toujours 100% juste. Sans ça, on serait infaillible dans notre interprétation, puis on ne l'est pas. Okay? On ne l'est pas. Il faut toujours être capable de remettre en question ce que nous disons, tout en réévaluant les Écritures, et pour pouvoir bien comprendre. Ensuite, il va dans, à ces jeunes-là, et quand on parle de jeunes, nous, aujourd'hui, les jeunes, quand on dit les jeunes, c'est quoi? C'est 13, 14, jusqu'à 18, 19, 20 ans. Et je crois que dans ma compréhension, faut pas aller d'un extrême à l'autre. Je crois que dans nos églises, on a tendance à trop en faire pour les jeunes pour qu'ils puissent rester là, à l'église. On a tendance à trop leur donner. C'est ma pensée. Au lieu de dire, c'est pas facile, mais c'est pas facile de passer dans la vie chrétienne, dans un certain sens. Là. Les gens âgés ont des problèmes, les gens moyens ont des problèmes. Chaque phase de la vie amène ses combats. Les jeunes ont leurs combats, les moins jeunes, les jeunes couples ont leurs combats, les gens de 40 ans ont leurs combats, les gens âgés ont leurs combats. Tout ça. Et donc, il ne faut pas... Je trouve qu'ils sont comme mis trop dans l'ouest. Je trouve ça personnellement. Nous, on n'a pas été élevés comme ça. Dans nos églises, au début, en tout cas, ça, c'est ma partie. Puis moi, je n'ai pas élevé mes enfants comme ça non plus. Moi, je disais, vous êtes chrétien ou vous ne l'êtes pas. Faites vos choix personnels, vous êtes chrétien ou pas. Si vous êtes chrétien, marchez comme des chrétiens. Mais j'essayais pas de rendre ça plus facile parce qu'ils étaient jeunes. Il faut être compréhensible qu'ils sont jeunes, mais il ne faut pas mettre ça plus facile parce qu'ils sont jeunes. Il ne faut pas diluer l'Évangile ou la vie conforme parce qu'ils sont jeunes. Il ne faut pas faire ça, à mon idée. Il faut être compréhensible, mais il faut faire attention. Sont-ils chrétiens ou ne sont pas chrétiens? C'est ça que je n'ai pas fait attention assez, moi, quand j'étais jeune, mes enfants. Je n'ai pas tenu compte qu'il y en a parmi mes enfants qui n'étaient pas chrétiens. Certains de mes enfants étaient chrétiens. Puis moi, j'ai mis tous les six dans le même bateau. Il faut que tout le monde fasse la même affaire à la maison. Dans l'adolescence, ça a commencé à arriver des brancards. Parce que là, quand ils sont chrétiens, ben, il faut leur dire, mais t'es un chrétien, mon chat. T'es un chrétien, il faut que tu marches comme un chrétien. Je me souviens que ma fille, j'avais dit à ma fille, tu peux, il n'y a pas de garçon chrétien ici. Ben, j'ai dit, tant pis pour toi. Dans le sens, il n'y en a pas. Ce que je veux, je te dis, je ne peux pas la faire sommer. Mais tu peux se faire ailleurs, mais tu ne peux pas te permettre de dire, je vais aller voir un inconverti parce qu'il n'y en a pas. Faut que tu attendes. Je vais te raconter l'histoire de Michel Mongrain. Michel Mongrain, à la sœur, 41 ans qu'il s'est marié. Parce qu'il n'y a pas de femme dans l'église. Puis il ne voulait, voulait pas aller à l'extérieur, il s'occupait de l'église, travaillait là. Il dit, je vais attendre que Dieu dirige ma vie dans un autre. À 41 ans, une femme a travaillé pour lui, il a causé au Seigneur, puis il a marié finalement. Donc, ça a été long, mais il aurait pu se dire n'importe quoi, là. Mais il n'y a pas de passe-droit, que tu sois jeune ou vieux, si c'est la parole de Dieu, tu le fais. La façon de l'appliquer va être un peu différente, mais il n'y a pas de passe-droit. La vie doit être conforme pour tout le monde. Elle doit être conforme pour tout le monde. Donc, moi, je dis que c'est facile et agréable. La Bible dit dans Jean, la vie chrétienne n'est pas pénible, n'est pas difficile. C'est que nous, on ne la comprend pas bien, puis on ne la vit pas bien. C'est pour ça que ça devient difficile. C'est notre façon de l'approcher qui de la rendre ça difficile. Parce que je n'entends pas Jésus dire que ce n'est pas facile. Il faut que ça me Jésus dit, on fait un la vie chrétienne. Ben non, il ne dit pas ça. T'sais. Jésus, c'était le chrétien, on pourrait dire. Là, c'est... Mais je ne crois pas que c'est ça. C'est que c'est notre application à nous de la vie chrétienne. C'est notre perception de la vie chrétienne. Des fois, on se prive de notre vie chrétienne. Des fois, on se culpabilise pour les bonnes raisons. Il faut faire attention. Moi, je trouve que quand j'avais 10-15 ans de vie chrétienne, je trouvais la vie chrétienne rough and tough. Puis aujourd'hui, la vie chrétienne, c'est agréable. C'est le fun. C'est de la joie. Si on la vit bien. Mais là, des fois, on la perd, cette joie-là. Parce qu'on est dans le péché, on a des doutes, en tout cas, on n'a pas cette joie-là. Mais la vie chrétienne, c'est agréable, c'est fantastique, c'est merveilleux. Ça ne veut pas dire que Paul était en prison et il chantait. Ça ne veut pas dire que. Il faut faire attention. C'est pas facile dans le sens que je n'ai pas de problème. Mais c'est la façon de voir les problèmes, d'utiliser les problèmes qui rend la vie chrétienne plus facile ou moins facile. Donc, si ma perception de l'événement, elle est. Pas, je ne la vois pas comme Dieu la voit. Elle devient difficile. Ça devient une épreuve. Elle est exigeante par rapport à notre nature. Ben oui. C'est ça, dans ce sens-là, c'est pas facile. Ouais. Ouais. Notre nature humaine, exactement, elle n'est pas exigeante, elle est impossible. Quand j'ai plus. Elle est impossible. La vie, notre moi personnel humain, là, il ne peut pas faire la parole de Dieu. Donc, pour lui, c'est impossible. Un inconverti qui regarde les 10 commandements de Dieu, il n'a assez de fou. C'est vrai. Il essaie de mettre ça en pratique, il est fou. Hein, quand Paul dit qu'il regarde comme une joie profonde les épreuves qui arrivent, ça prend une maturité spirituelle pour dire ça. Ça prend une compréhension. Quand on souffre. Parce qu'il y a un petit peu de. Ta maturité va venir aussi par la compréhension. Comment je comprends l'événement? Moi, je vais chez le dentiste, puis il va me faire mal, mais je vais pareil, puis je vais pas de mort, mon élève. Je ne suis pas chef de vie. Mais non, je m'en vais chez le dentiste parce que je sais qu'il y a un résultat qui va être agréable après. Ça va m'aider. Mais nous, on voit. On veut, en partant, une vie sans difficulté, sans problème, quand ça n'existe pas. Fait que quand il arrive, là, on a des problèmes qui arrivent là. Mais si je m'attends qu'il va y avoir des difficultés dans la journée, ça va être difficile parce que je vis dans un monde de péché, je vis dans un monde de ténèbres, j'ai des péchés dans ma propre vie, je me marie avec une femme qui est pécheresse, j'ai des enfants qui sont pécheurs, donc il va y avoir des difficultés. Mais est-ce qu'il est possible d'avoir une paix intérieure et une joie à travers tout ça? Ben oui. Mais il ne faut pas dire que la vie chrétienne est difficile. C'est que moi, je prends la vie chrétienne difficilement, peut-être. Mais la vie chrétienne n'est pas difficile en soi, elle-même, pour l'enfant de Dieu, qui vit dirigé et conduit par l'Esprit de Dieu. Mais quand tu vis ta vie chrétienne par la chair, en fonction de la chair, là, ça devient épouvantablement dur. Probablement dur. Puis la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Surtout en tant que jeune chrétien, on essaie de vivre la vie chrétienne par la chair, par la volonté. Je ne veux plus faire ça. Je ne fais plus ça. Puis on veut aller par là. Comme on était catholique calvin, qu'on prenait des décisions, puis on veut faire ça. Puis on prend des décisions par la volonté. Comme un inconverti pourrait dire, je ne fumerai plus. Puis il arrête de fumer. Puis il va faire par sa force de volonté. Puis il y a des gens qui vont prendre. Justement, je vois les mormons, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et pourtant, vous les regarderez changer de vie et qu'ils se convertissent à leur religion. Non, la mienne est vie, change. Ça arrête de boire, ça arrête de petit, ça arrête de fumer, ça arrête de voler. Ça arrête un paquet d'affaires. C'est ça qui réussit, c'est ça? C'est sûr qu'ils réussissent pas tout. Il y en a qui tombent. C'est pas parfait, certain. Là. Pas parfait. Ouais. Mais leur vie, là, tu regardes, mon gars, ils n'ont pas l'air plus méchants que nous autres, là, tu sais, non? Mais ils y vont avec la force de caractère. Puis il y a une motivation qui n'est pas la reconnaissance, mais le gain. Le gain. Mm-hmm. Mm-hmm. Je peux rentrer ton bois avec la joie parce que je suis reconnaissant ce que ça fait pour moi. Puis je peux le rentrer parce que tu vas me donner 50 piastres. Mm-hmm. Mais tu peux me regarder, tous les deux sont en train de chanter, là, rentrer le bois. Un, c'est par reconnaissance, puis l'autre, c'est parce qu'il me fait 50 piastres, puis il a hâte de finir. Nous autres, c'est quoi le gain? C'est la vie éternelle. Ils ne sont pas sauvés par la grâce. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent donner leur vie, mourir, pour rendre des services. Parce qu'ils veulent gagner le ciel. C'est comme ça les témoins du roi des mormons. C'est parce qu'ils ne sont pas sauvés par la grâce, ils sont sauvés par les œuvres. Il y a un gain pour eux autres. Oui. On mérite, on gagne notre ciel à la soeur de notre front. C'est ça le dicton. Donc, c'est une grande motivation pour beaucoup de gens, ça. Une grande motivation. Les musulmans sont comme ça. Ceux qui meurent, donnent leur vie. Les kamikazes, ils donnent leur vie pour la. La cause. Parce qu'ils vont s'en vont au ciel, puis on est 50 vierges, puis avec une grosse maison, puis en partant, 50 vierges. Je veux dire, pas bien biblique, ça, ton affaire, là, 50 vierges en partant. Tu sais, tu veux dire. Tu es aussi terrestre quand tu es en haut. Oui, c'est ce qu'ils ne comprennent pas, tout simplement. Charnel, c'est comme nous, quand j'étais catholique, aller au ciel, c'était très charnel, parce qu'on allait au ciel, puis on avait tout ce qu'on voulait, puis Dieu nous donnait tout ce qu'on voulait. Quand on était jeune, on s'amusait à dire « Dieu, je vais demander un gros camion, je vais demander un BC. » Parce que le ciel, c'était le royaume des jouets, puis c'était le royaume en vieillissant, mais c'était d'autres sortes de choses, mais jeune, c'était ça. Là. Donc le ciel, c'était la place où tu avais tout ce que tu voulais, finalement. Faire ça attention. Donc, jeune gens, faire attention. Maintenant, on est dans le chapitre verset 9. « Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plat en toutes choses, en être... point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu et ton sauveur. Voyez-vous, ça, c'est la troisième fois. Il avait dit aux jeunes gens, au verset 8, afin que l'adversaire, j'ai oublié de le lire, afin que l'adversaire ne soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Donc, si j'ai une vie de bonne œuvre qui est conforme à ce que j'enseigne, l'adversaire va avoir rien à dire de mal de nous. Et là, maintenant, on parle des serviteurs ou des esclaves, peut-être certaines traductions. Et aujourd'hui, je traduirais ça comme employé, vraiment, parce qu'on n'est plus ça aujourd'hui d'esclaves, on n'est plus ça dans notre culture à nous autres. Donc, j'appelle ça d'employé. Je crois que ça se ressemble pas mal. Avant, l'esclave était la propriété. Oui, oui. Moi, je ne suis pas la propriété de mon patron. Non. Je loue mes services. C'est peut-être une... Mais je crois que Paul, il ne mettrait pas de différence. Hein. Mm-hmm. Je dis, si tu peux devenir libre, deviens libre, si tu peux. Si tu ne peux pas, reste esclave. Mais je ne crois pas que dans l'attitude, il demandait d'agir différemment. Mm-hmm. Parce que l'attitude, c'est la soumission à un maître, ce n'est pas une obéissance, dans le sens, fais tout ce que le maître te dit. Il faut toujours se mettre dans la tête, parce que tout à l'heure, on va voir la semaine prochaine, soumis au gouvernement. La soumission n'est jamais de l'obéissance, ni pour la femme, ni pour les enfants, okay, ni pour les maris, ni pour personne. La soumission, c'est un engagement personnel à faire pour l'autre ce qui est bien, ce que Dieu veut pour lui. Mm. Cette soumission, c'est ça. Jésus s'est soumis à nous. Il n'a pas fait ce qu'on voulait. Il n'a pas fait ce qu'on demandait. Il ne nous a pas obéi. Mais il s'est mis comme serviteur des hommes. Il est devenu serviteur, même plus que serviteur, parce qu'il est allé jusqu'à la croix mourir pour nous autres. Et donc, il a rencontré notre besoin. Il s'est soumis à nous. Dans notre besoin, il s'est soumis. Il a dit, je vais rencontrer, je vais renoncer, je vais donner à François, à quelqu'un d'autre, ce qu'il a besoin. La soumission, c'est ça que ça veut dire. Donc, quand on est soumis à un maître, c'est que je vais prendre pour acquis que je veux faire du bien à ce maître-là. Je veux le bien-être de ce maître-là. Et de ce patron-là, de cet employeur-là. Aujourd'hui, en grande majorité, on s'en va travailler parce qu'on va avoir notre paye. Point final, on se fout bien. Est-ce que le patron fait 2 millions ou 50 millions? On s'en fout. Si en fait trop, on le déteste, on l'haït parce qu'il nous en donne pas assez. Fait que c'est vraiment mais si je prends pour acquis le bien-être du patron, c'est ça que Dieu veut. Okay. Comme d'être soumis à Jésus-Christ. Je veux le bien-être de Jésus-Christ. Je veux que le nom de Dieu soit glorifié. Moi, quand j'étais un converti, j'avais saisi ça. Pas pour les bonnes raisons. Mais j'avais saisi ça. J'ai dit, si je fais affaire de l'argent à mon boss, je sais que je vais monter ce échelon bien plus vite que n'importe qui. Je savais ça. Si je peux faire à mon boss ce qui lui va faire plus d'argent, il va m'en donner plus, puis je vais monter ce échelon. C'est bien ça qui arrivait. Ah ouais. 6 mois, 1 an après, je suis rendu boss de la compagnie. Parce que le boss, qu'est-ce qu'il veut? C'est faire de l'argent. Et moi, j'ai fait sa affaire. Mais c'était pas par un but d'altruisme, c'était pas pour amour pour lui, c'était pour amour pour moi. Parce que moi, je voulais en faire plus d'argent. Okay? Mais je savais que ça marchait. Que ça marchait. Mais si je le fais par amour, hein, par soumission, pour son bien-être, hein, il va avoir des résultats positifs. Je vous garantis qu'il va avoir des résultats positifs. Peut-être négatifs, si on est chrétien et qu'il veut peut-être ça. Mais, je dirais c'est une règle générale. Ça marche la même chose dans le couple, ça marche la même chose avec les enfants, ça marche. Si je me donne pour rencontrer les besoins de quelqu'un, règle générale, il va vouloir faire de quoi ici en retour, là, règle générale. Pas tout le temps, mais règle générale. Non, il dit à leur plaire en toute chose, leur plaire, leur faire plaisir en toute chose. Donc, ils veulent aller dans une direction. Moi, je dis tout le temps, je dis des fois à des chrétiens, ça peut-être mieux de changer de job. Si tu es rendu, tu n'es pas capable de sentir ton poste, puis tu n'es pas capable d'avoir une bonne attitude, change de job, une place, ça va être un moindre mal, en guillemets. C'est un moindre mal, change de place. Ça va peut-être mieux d'aller voir ton patron et lui dire ouvertement, voici ce que j'aime pas, voici ce que je ne suis pas capable de faire, tu m'en demandes trop, dis ouvertement, puis change de place. Mais pas en guerre avec les autres employés, ouais. Commencer à faire de la médisance, puis aller craquer contre le boss, puis faire attention, tu sais, faire attention. Parce que ça va dans un autre extrême, c'est l'autre bord. À n'être point contredisant. C'est la même affaire. Contredire, aller contre le plan du boss, ce que le boss veut faire. Mon gendre Richard a fait ça aussi. Il est arrivé là. Puis Richard est un homme qui a des idées. Toutes les idées. Puis il est allé travailler dans une. Il faut des trailers, eux autres. Il faut des lui, hein, puis il est comme ça partout. Même chez lui, il est comme ça. Il fait quelque chose, là, puis en le faisant seulement, est-ce que je pourrais faire ça plus vite? ça coûterait peut-être moins long. Ils pensent toujours comme ça. Fait que quelqu'un était dans l'usine, tu sais, comment est-ce qu'on pourrait souder ça, ça irait plus vite, ça coûterait moins cher. Qu'est-ce qu'une passe a entendu, tu vois? Ça n'a pas été long. Il était contre-maître de l'achat. Mais dans un bureau, c'est lui qui donne l'achat. Donc, parce que c'est comme ça que ça marche. Hein. Si ton boss veut faire des trailers puis il veut faire de l'argent, si toi tu vas dans la même direction que lui, pas pour le manipuler, mais parce que tu veux son bien-être, hein, il va répondre. En règle générale, il va répondre. En règle générale. S'il ne répond pas, mais la Bible me dit d'autres choses, quoi je dois faire. Elle me dit de faire autre chose aussi. Okay? Mais pas contredisant. N'a rien dérobé. Ah, oh, ça, c'est épouvantable. Ça, c'est épouvantable. C'est épouvantable le vol qui se fait entre employés et employeurs. Moi, je pensais que c'était plutôt dans les usines, mais ça se fait à tous les niveaux de la société. Des petits d'en bas jusqu'au groupe professionnel, ça vole partout. Moi, quand j'étais allé à l'école, j'étais professeur, j'aurais jamais pensé ça, là. Ça me semble, j'aurais pas vu ça, là. Mais ça volait à l'école, c'était épouvantable. Les professeurs mettaient des paquets de feuilles d'ordinateur dans leur sacoche. Puis, ils ont mis une fois, ils ont changé les ordinateurs. Il y avait une cinquantaine d'ordinateurs, ils ont changé ça. Ils ont tous mis les plus vieux dans une chambre en attendant de décider quoi faire avec ça. Quand c'était le temps d'aller les chercher pour les vendre, il en restait avec la moitié. Il y avait la moitié qui était partie. Des gens ont pris les ordinateurs, sont partis à la maison avec ça, ils ont vendu ça à des gens, ils ont fait ça. C'était du vol. Puis mon père a travaillé à l'hôpital comme concierge. Il se fait ça, c'était épouvantable. Les poches sont pas assez grandes. Tout le monde met du stock partout. Les serviettes, les papiers de toilette, les élastiques. Ça s'en va partout. À la Jones-Manville, mon beau-frère travaillait là. Les employés avaient des boîtes à lunch avec des doubles fonds. Ils sortaient de l'or. Des morceaux. Ça, de l'or, c'était à Val d'Or. Ça m'était compté par un monsieur qui était chrétien maintenant et qui a été élevé là à Val d'Or. Les gars volaient de l'or puis cachaient ça dans le soulier partout. Puis il dit que la plupart des bijouteries à Val d'Or ont commencé avec de l'or qui arrivait en dessous de la table par les employés. Parce que c'est comme ça que les gens faisaient leurs argent. Là, ils ont commencé avec des détecteurs aux potes. Ils ont mis des rayons X pour faire passer sa coche, puis ils volent encore pareil. Ils volent encore pareil. Il dit, c'est, ne dérobez pas vos patrons, s'il vous plaît. Ne dérobez pas. C'est vous quand c'est qu'on a tendance à dérober? Quand on pense qu'on est abusé. Quand on pense qu'on ne nous en donne pas assez. Les gros riches, là. Ces gros riches, là, ça nous paye juste 8$ de l'heure ou 10$ de l'heure. Donc là, on a tendance. On en prend. As-tu du dicton? Voler le gouvernement? C'est pas voler. Il gagne de valeur. On abuse de tout le monde, sans plus les poches. Encore peut voler, puis pas voler. Mais nous, c'est le dicton. C'est le dicton. Donc, c'est la tendance de l'employé de dérober l'employeur. Maintenant que vous êtes chrétien, vous autres. Vous autres. Toi, tu ne l'es pas? Oui, je sais, mais je veux savoir, c'est quoi votre point de vue? C'est-à-dire pas que c'est votre. Quelle est votre motivation pour ne plus dérober? Parce que moi aussi, c'est étonnant. Quand on sortait de moi, je travaille en bijouterie. Mais la motivation, quand tu. Moi, je travaille en bijouterie. Puis c'est. Je vais être honnête. Devant Dieu. C'est ma. On va aller speaking. Devant Dieu, là. Mon témoignage. D'où tu dis? Ça dit de ne pas dérober. Non, mais la motivation. Qu'est-ce qui peut nous encourager? Qu'est-ce qui peut nous aider à ne pas dérober? Moi, c'est la paix. La paix. Non. La paix, juste dans moi, là. Oui. C'est pas avant que je passais à spirituel pour Dieu, avec Dieu en premier. Parce que la paix avec Dieu, j'ai pour acquis que je l'ai à cause de Jésus. Okay. Mais je me souviens une fois, j'avais été dans un garage, puis m'avait réparé mon automobile, puis il n'avait pas chargé certaines pièces. Fait que j'ai dit au monsieur, je pensais que tu avais demandé de changer tel morceau. Alors, on l'a changé, mais il n'y a pas sa facture, c'est ça que je lui demandais. Alors, il dit, la plupart a couru de la porte pas avant qu'on l'ait vu. T'sais. Mais il dit, non, j'ai dit, j'aime autant dormir sur mes deux oreilles, j'aime ça avoir la paix. J'aime ça avoir la paix. Parce que si je m'en vais, là, moi, chez nous, je vais me sentir pogné. Le cœur va me battre un peu plus fort. Je vais avoir peur de revenir, je vais toujours avoir peur que tu te découvres. C'est la crainte ou cette paix-là que je perds. Et quand on. Vous savez, quand on s'en va pour trouver du chemin, t'sais. Pourquoi on modère? Des fois, on a peur. La police. On a peur de la police, elle soit là dans les coins. Là. C'est pas vraiment parce qu'on est bien spirituel. Là. C'est pas par amour pour les autres, parce qu'on veut pas les faire du mal. C'est vrai, on a peur. elle se fait pogner. Pogner un ticket. Ça peut être une motivation. C'est d'autres motivations. On peut en avoir chacun la nôtre, notre motivation. Mais elle est différente. Mais normalement, le but qu'il nous donne ici, c'est quoi? Que la parole de Dieu soit honorée. Ça devrait être notre but. Ça devrait être notre but. Que la parole de Dieu soit respectée. Mais c'est parce qu'on se dit que si personne ne voit, ça ne changera rien à la parole de Dieu. C'est ça. Mais ça se pourrait bien qu'il le découvre. Oui. C'est vrai que si personne ne le sait, ils ne diront pas. C'est comme les grands hommes là, qu'on a vus, parce que je parle de ça, parce qu'on a entendu parler, qui se sont fait prendre à un moment donné, soit dans l'homosexualité, soit dans des débauches sexuelles. Ça l'a fait un dommage à la parole de Dieu. Puis tant qu'on ne le savait pas, tout le monde disait que c'était des bons gars, des bons prédicateurs. C'est vrai que quand on ne le sait pas, ce qu'on ne sait pas ne fait pas de tort, qu'on dit. Mmh. C'est vrai. Mais si ça se découvre, ça va se savoir. Mmh. Okay, ça va se savoir. Donc c'est là que ça va faire son dommage. Mmh. Mais je crois qu'on ne peut pas être voleur d'une façon générale, d'une façon continuelle, sans ça affecte notre relation avec nos patrons. Ça l'affecte notre relation avec les gens. Donc là, ça va finir par paraître autrement. Ils ne verront peut-être pas le vol que tu as pris. La relation va se briser. La relation va se briser. Parce que là, tu vois, des craintes commencent. C'est comme quand dans un couple, on se trompe, mettons, il y avait de l'infidélité. L'autre, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se brise, là. La relation se brise, là. Mais il ne sait pas, là. Mais il y a quelque chose qui se brise, là. Soit par les paroles, la façon de se comporter, comportement sexuel, comportement. Ça va sortir, puis là, le doute va. Finalement, ça peut faire un divorce sans que l'autre sache qu'il était trompé. Mm. Mais c'est le fond de l'histoire, c'est ça, là. Mm. Okay, qui a fait le problème. Mm. Donc, en tout cas, ici, la motivation que l'Épître à Tite nous donne, c'est que la parole de Dieu soit honorée. Mm. Honorée. Je suis rendu où, là? Exhorte, serviteur, allez drober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Pas une fidélité envers Dieu, mais fidélité envers le patron. Okay? Fidélité envers ce patron-là. Donc, on est engagé avec lui. On est fidèle à nos engagements qu'on a pris envers lui. C'est vrai que l'esclave ou le serviteur, c'est plus difficile. Mais l'esclave, il était esclave. S'il était né esclave, c'est notre... En tout cas, Paul, il dit, si tu ne peux pas te libérer de l'esclavage, ne t'en fais pas. Fallait comme tu ferais pour le Seigneur. Fallait comme tu ferais pour le Seigneur. Donc, qu'il soit chrétien, pas chrétien, soit tu sois un esclave, fallait comme le Seigneur. Sers-le comme si c'était le Seigneur. Donc, si tu sois un employé, un serviteur ou un esclave, fallait comme si c'était tu le ferais pour le Seigneur. Tu le ferais pour le Seigneur. Donc, c'est dans cet langage-là qu'ils vont prendre dans un autre épître. Afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Voyez-vous donc, c'est les trois fois qu'il parle d'être conforme à la sainte doctrine, les trois fois, c'est pour faire honorer, pour ne pas déshonorer, pour ne pas faire blasphémer. Donc, c'est trois fois afin que. Donc, il nous donne la raison à nous autres. Donc, c'est nous autres à dire le but de ma vie, c'est la glorification. Nous, on va dire la gloire de Dieu. Hein? C'est la même chose. Ici, ça veut dire la même affaire. Le but, c'est la gloire de Dieu. C'est qu'on veut que Dieu soit glorifié. En dérobant pas, on démontre que la parole de Dieu dit que le bonheur ne vient pas de ça. Mais c'est parce que le dérobé, là, c'est de l'envie, c'est de la jalousie, c'est du matérialisme, parce qu'on veut posséder plus à quelque part. Hein? Je ne suis pas en train de me crever de faim, là, c'est peut-être, là, probablement. Mais j'en veux un peu plus. On parlait des maisons, un peu plus grosses, un peu plus gros char, un peu plus dans mon compte de banque, un peu plus. Donc, c'est souvent ça qui va nous pousser à dérober. On en veut un peu plus. La convoitise. Ouais. Ça peut ou de l'insécurité, parce qu'il y a des gens qui ne se sentent pas sécurisés, si on n'a pas 10 000 piastres sur le compte de banque. Donc, ça peut être de l'insécurité. Ça peut être de l'orgueil, parce qu'on veut bien paraître. C'est toutes sortes de motivations là, qui peuvent nous pousser à dérober ou à être malhonnête dans nos transactions financières. Mm. Donc, c'est vraiment un fléau, je dirais, humain. Un fléau humain. Moi, je me disais, une fois, j'avais donné comme exemple, vous pensez que le monde est bon, puis le monde est honnête? Il dit, je débarque jamais de mon bicycle, ça l'attache après le porte-téléphone. Il dit, on a tellement peur que quelqu'un passe au côté, il part avec, on les attache. Pensez-vous qu'on a confiance les uns aux autres? Pas en tout. Non, moi, quand j'étais jeune, la maison n'était jamais barrée chez nous. Jamais. On t'a 15, on ne boirait pas à la maison. Il y avait toujours un grand temps où on sortait. Aujourd'hui, on les barre par dehors, puis par dedans. On met un système d'alarme en dehors, en dedans. Ça manifeste quelque chose. On a peur de ce qui nous entoure, quelque part. On dit, ouais, mais le monde est méchant. Le monde est, ouais, ça nous montre qu'on est insécure, quelque part. C'est peut-être parce qu'on a plus de choses aussi. Ah, pas en même temps. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on avait à faire voler? Là. Moi, j'avais un vieux Vaux, mais je ne le bordais pas. Je disais, quelqu'un veut voler quelque chose, il ne voudra jamais mon Vaux, il va voler l'autre char au côté. Moi, j'avais un vieux Vaux tout trouillé. Donc, je ne pouvais pas voler mon char, ça n'a pas d'aller, il va avoir un peu de passant chez lui. Donc, mais tu vois, c'est vrai que plus on en a, plus on veut le sauvegarder, plus on veut le protéger. Pas mal de vouloir le protéger. Le mal, c'est d'en faire ça. On va voir. Le dimanche matin, là, ne fais pas ça de ton trésor, parce que là où est ton trésor, là, c'est dans ton cœur. Donc, il y a un danger, là, que ça devienne notre trésor, notre trésor. Et là, ça devient, on va y investir du temps, puis ici, puis de l'argent, puis là, ça devient notre. On le protège, on le cache, on ne veut pas que personne le prenne. Donc, on peut en devenir un peu maladif, un petit peu dans ce sens-là. Donc, je crois que si on résume ça, c'est assez simple. Notre vie doit être en conformité avec la doctrine. Donc, quand on manque, parce qu'on est des pécheurs et on sait qu'on va manquer, on doit faire quoi? Reconnaître devant Dieu et devant les hommes. Donc, autant qu'il est possible de le faire. Faire attention. Je vais vous donner un exemple. Une fois, il y a une femme qui est venue voir Denise, puis elle dit, « Je demande pardon, Denise. Je t'en veux depuis longtemps. Puis, ma femme n'était pas consciente de ça. Fais attention, il ne faut pas partir à l'extrême. Là. Si l'autre, elle ne sait pas, elle ne va pas aller dire non plus. Là. On va régler ça avec Dieu. Puis ensuite, ça, essayer de développer une relation avec cette personne-là. Mais si elle le sait, c'est normal que j'y aille. Mais si je me suis fait des idées noires par rapport à la personne, à cause de la jalousie ou je ne sais pas quoi, ben, je devrais peut-être régler ça avec le Seigneur, puis c'est tout. Là. Ouais. Surtout si l'autre, elle ne sait pas. Mais si l'autre, elle le sait, oui, on règle. Mais si elle ne sait pas, elle dit, ben, règle ça avec le Seigneur, puis va développer une relation maintenant avec cette personne-là. Mm-hmm. Donc, tu vas pouvoir. Mm-hmm. Mais il ne faut pas aller à l'autre extrême, sur l'autre bord non plus. Mais supposons qu'on ne sait pas si la personne le sait, qu'est-ce qu'on fait? Va voir. Va essayer d'attraper une relation avec. Si ça va bien, tu vas voir. Dans la relation, moi, je dirais que c'est bien mal de commencer une relation en commençant comme ça. Et elle, cette femme-là, elle a voulu faire ça pour bien faire avec Denise. Ils n'ont jamais été capables vraiment de se pogner, là. De vraiment devenir amis, pour être capable d'être intime. Ils se parlaient dans l'église, mais c'était plutôt. En surface. Surface. Parce que c'est comme si ça leur a fait un choc, là. Oui, oui. Si elle avait développé une relation un peu plus avant de dire ça, dire, ben écoute, quand l'amitié se développe, dire, ben écoute, j'ai déjà eu des petits problèmes avec ça, mais à ce temps, ça va mieux. Ouais. Là, l'amitié est déjà développée, ça va mieux. Ouais. Donc, c'est avant d'aller lui dire, je pense qu'on devrait mieux peut-être développer. C'est pour ça que je vous ai déjà dit une fois, si vous avez un frère qui a péché dans sa vie, et vous le voyez péché, et vous voulez lui dire, ça va peut-être, si tu n'y parles jamais, ça va peut-être pas mieux d'y parler. Pour ça, la première fois. Ouais. Donc, peut-être, va-t-il donc l'inviter à souper, ou alors on va donc parler avec, intéresse-toi à lui un petit peu, puis développe une relation avec lui, puis à un moment donné, tu y parleras de ça. Mais il ne va pas y avoir, là, je viens te voir, là, parce que je t'ai vu, là, puis tu as fait ça. Et c'est correct, elle doit te dire, mais ça ne veut pas dire que ça va pas avoir une bonne réponse. Là. Ça ne veut pas dire que ça va développer la relation, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aider la personne. Là, tu le donc, le but, ce n'est pas juste lui dire, c'est de devenir en aide pour pouvoir l'aider, cette personne-là. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, si elle peut nous aider et, à faire cela, Luc, dans les Actes des Apôtres, je vais terminer avec ça. Luc fait un gros effort dans les Actes des Apôtres pendant quasiment les 10-12 derniers chapitres. De démontrer que les chrétiens ne sont pas des crapules. C'est ce que vous allez voir, il présente à plusieurs reprises des Actes des Apôtres, les chrétiens devant les magistrats, devant les Sanhédrins, devant Pilate, devant Hérode, à chaque fois, qu'est-ce qu'on dit? Ils n'étaient pas coupables de rien. Ils n'étaient pas coupables de rien. Ils n'étaient pas coupables de rien. Ils n'étaient pas coupables de rien. Parce que les chrétiens étaient accusés de tous les malheurs du monde. C'est les chrétiens qui ont fait ça. Néron a dit que c'est les chrétiens qui avaient mis le feu à Rome. Donc, c'est les chrétiens, c'était la faute des chrétiens. Ça, ils ne mouillaient plus, c'était la faute des chrétiens. Ça promet là. Et Luc démontre que les chrétiens ne sont pas coupables de ce qu'on les accuse. Ils ne sont pas coupables de révolte, ils ne sont pas coupables d'être contre, contre César. C'est des gens qui font leur vie normal, c'est des bons citoyens, c'est des gens qui sont corrects. Donc, il demande, parce qu'il y a, pendant 10 chapitres, il passe à tous les chapitres, il y a des chrétiens devant les juges, devant les magistrats, mm-hmm. devant les juges, mm-hmm. puis ils sont toujours trouvés non coupables. Mm-hmm. Donc, c'est un chrétien, il faut apprendre à être coupable, il devait régler ça hors cours, je suis dire mm-hmm. comme ça, dire ça, je te demande pardon, je vais réparer le temps que je t'ai fait, pour pas besoin d'aller en cours pour ça. Quand il va en cours, c'est parce qu'il ne veut pas avouer qu'il est coupable. Donc, il ne veut pas avouer qu'il est coupable. Ou alors là, il est en train de se défendre parce qu'on abuse de la situation, mais dans ce sens-là. Et c'est un peu ce qui nous a aidé à développer ça, à développer ce principe-là de notre vie. Conformité. Pas au baptiste, pas la conformité à nos conjoints, pas la conformité à nos sociétés, mais la conformité aux Écritures. Conformité aux Écritures. Un standard de... Mm-hmm.